vivo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, Sofía. Not pour vous amener comme chaque vendredi, tout simplement l'émission entre 13h30 et jusqu'à 16h. Voilà donc, il est 13h42, et bien donc, bienvenue si vous prenez l'écoute, bien être ensemble pendant quelques heures, avec des chansons variétés du côté un peu de tout, pour vous faire progressivement plaisir. Voilà, donc on va débuter tout simplement avec évidemment, et c'est France Gall. Y'a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas de. Dont on se fout.

Cuando yo le estoy amando, essentiel, un amour de la femme. Voilà donc que j'écris, et c'est Alonso. on va changer un peu de style de musique. Et voici tout simplement, pour tout simplement, voici donc Céline Dion. Et son titre s'appelle tout simplement Je ne veux pas. Et puis suivi d'un de ses chanteurs aussi qu'elle aime bien, c'est Goldman. Voilà donc un petit aussi coucou. Comme une musique. Il nous dit tout simplement quand je vois tes yeux et c'est brillant. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Les montures, par la lune, par forcément roulure, les faibles. cigarette. Pas si vite. Pas toujours, mais souvent c'est très net. C'est la folle aventure. Michel Sardou, les lacs du Connemara. Believe.

C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voilà donc, eh bien, juste après l'accordéon, voici la trompette avec Fred Arbol, le petit papillon. Thank you. voici donc qu'elle s'appelle Elsa avec Ton Papa et puis suivi de Gesh Patti. Quelle est la fin de ta vie?

Professeur Joseph Yam Kachunga, Mariette Wambo, Adam Jangi, Sam Stengombe, Angelo Central, Fernand Massala. Enzo, where are you at? Hey, how are you doing, Don? I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc chante et c'est Mireille Mathieu. Musique. changer de style de musique et voici du portugais. Un petit bonjour tout simplement à Florian et voici trois titres différents du Portugal. Coragem, mas vou te dizer: tu és o meu mundo, mas tenho um amigo. Este sentimento não quero perder. Vou abrir as portas para a felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Sou um passarinho que agora. Magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Acordar contigo, ficar em teus braços, jamais te deixar. Se for o teu tudo, teu porto de abrigo, vem ficar comigo para sempre te amar. Vou abrir as portas para a felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Um passarinho que agora voou. Vamos gozar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, com presente de amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos gozar a vida, para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, com presente de amar. Nosso amor é romance. Não vai acabar. Vamos gozar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Yeah. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Écouté tout à l'heure et puis on n'a pas tellement écouté de Lily Harmony. Voici donc son titre Dans son regard. J'ai voyagé de ville en ville, accosté à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles. Je me souviens. dans son regard qui s'éclaire, moi j'ai appris chaque jour de lui.

96.2. La FM en couleur. Accoudée au comptoir, elle avale un petit noir tranquille. Il entre dans le bar, comme il a une cuir noir viril. J'ai pas si c'est le costume, c'est peut-être bien la coutume qui fait que ces mecs peuvent pas laisser une fille toute seule boire un café. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on revient à l'âme sœur, à l'âme frère, afin d'obtenir ses faveurs sans la faire fuir, sans lui faire peur? Marchant sur le trottoir, elle se promène un soir tranquille. Il prête sans crier gare, coupé sport et plein phare viril. J'ai pas si c'est l'allure, c'est peut-être bien la voiture qui fait que ces mecs peuvent pas laisser une vie de telle se balader. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on revient à l'âme sœur, à l'âme frère, afin d'obtenir ses faveurs sans la faire fuir, sans lui faire peur? Faux contact et court-circuit, on manque de tact et c'est fini. Roméo et Juliette n'ont plus ni queue ni tête. Elle croise un oiseau rare tranquille. Amusé au départ, il s'enfuit des ragards virils. Je sais pas si son aimer, c'était bien le runner qui fait que ces mecs peuvent pas laisser une fille toute seule leur faire du pied. Qu'est-ce qu'on va faire quand on veut plaire à la sœur, à la frère, afin d'obtenir ses faveurs sans lui faire peur? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on revient à l'âme sœur, à l'âme frère, pour ne commettre aucune erreur? Est-ce qu'on va lire avec des fleurs? Il y en a un peu partout, ils n'ont pas de drapeau, c'est pas marqué du tout sur leur peau. Ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de parti, ni blason, ni bannière, ni patrie. On en trouve au boulot, il y en a même qui bossent pas, dans la rue, dans le métro, au Sénat. Ils sont petits ou grands, ou blonds, bruns, ou bien mauves, et flanqués, corpulents et ou chauves. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Oh, par ennui. Ça n'est pas génétique, c'est pas héréditaire, ni d'origine ethnique, rien à faire. Cherchez pas de vaccin, ça n'est pas un virus, et ils n'ont rien en moins, en plus. On sait qu'ils sont légions si on regarde un peu dans toutes les religions, mais pas que. Y en a chez les laïcs, ça fout les boules quand même, les athées, agnostiques, idem. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Devient sale ou par hasard? Est-ce qu'on devient sale ou par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Tous une famille où ils ont pu nicher. Y en a même, c'est des filles par idée. Et partout ils se fondent, et partout ils se glissent, s'adaptent à tous les mondes et s'y vissent. Sur tous les continents, tout autour de la Terre, ils sont toujours plus grands dans la guerre. Et c'est là, semble-t-il, que leur évolution trouve un terrain fertile pour leurs dons. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Every day a thousand people come and go through the store. Me, I work in ladies' fashions, second floor. It's an easier position than the one I had before. And with all the pretty girls, I'm hardly ever bored. But I'm in love with the girl in lingerie.

bana para cá, a bana para lá. São dois dias de amor sem ter final. A bana para aqui, a bana para ali. Todo fim de semana é sempre assim. A bana para cá, a bana para lá. São dois dias de amor sem ter final. A bana para aqui, a bana para ali. Todo fim de semana é sempre assim. A bana para cá. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.